collège j'étais chum, mais déterre comme un schleur. Je volais des PlayStation, je les revendais, je m'achetais des jeux. Y'a quoi dans la tête des jeunes? Je traînais dans tout Berry, je faisais des pics avec du gel. J'avais la coupe de riz, non c'est pas un scoop. J'ai vite compris que l'apparence compte. J'arrive à pied dans ta soirée, man, pète le Neyman et repars en scoot. Et le lien avec les parents scoop. Trahi par l'assistante sociale, voilà ma Ivia. J'étais naïf, y'a trop de racistes dans ce siècle. Ils veulent exclure les minorités contrôlées par. Alors qu'y a pas plus français que de protester contre l'État. Dans mon équipe, j'étais le seul qu'on essayait de quêtera. Et j'étais le seul que la police contrôlait pas. Papa me parle de Sankara, jeune vape tout traîne qu'avec arabe. J'avais jogging avec signe chinois, y'avait pas d'oseille donc pas de cara. J'étais amoureux de Sarah, elle avait le plus bel appareil. Son mec, je vais lui niquer sa race. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Et dans la vraie vie, faut agir. Il était grand, j'ai pris ma gifle. Mon ego démoli dans mon livre, soir la scène tourne en boucle comme un gif. Au collège, j'étais chum, mais déterre comme un schleur. Je volais des PlayStation, je les revendais, je m'achetais des jeux. Y'a quoi dans la tête des jeunes? Je traînais dans tout Berry, je faisais des pics avec du gel. J'avais la coupe de riz. Je suis plus beau des machines affreux, je suis plus beau des machines affreux. Je suis plus beau des machines, je suis plus beau des machines, je suis plus beau des machines affreux. Le monde est beau, j'en ai pris des chiffres, je suis sceptique. Je ne suis qu'un être illogique, juste un petit. Je ne suis pas con, mais je dessine en cours. Et je ne suis que la trilogie du samedi. Je n'ai qu'une équipe, pas deux. J'ai le vécu de paddle. Et puis j'écume les pires battles. Et les vaincus, je m'occupe pas d'eux. L'été c'était trop calme. Foutez la merde au troca. Les jolis touristes ont dragué. Elles voulaient goûter la droga. Alors maintenant je suis pile à l'ouest. Mes gars me disaient pile à ici. Tu vas, je te donne mon sweet pile à l'ouest. Alors maintenant je suis bilingue. Au collège j'étais chum, mais déterre comme un schleur. Je volais des PlayStation, je les revendais, je m'achetais des jeux. Y'a quoi dans la tête des jeunes? Je traînais dans tout Berry, je faisais des pics avec du gel. Je veux signer les plus gros contrats de l'histoire, mais sans l'annexe. Je veux lever, lever de la victoire, mais sans l'index. Ouais, je veux lever, lever de la vendetta. Je n'étais qu'un petit feu follet. Je volais des vélos, je les revendais à ceux qui avaient un vélo volé. Si tu veux que je signe après, faut que tu m'aides bien mes illettrés. On a le swing de Sinatra, pas de drogue, mais je dessine un trait. Tu vois cette fille, je m'en souviendrai. Un jour, mon cœur, je cimenterai. Mais pour l'instant, je suis notre rêve. Je la fais piloter, cylindrée. Vas-y, pète à droite, super nana. Le mojo sans y pète, nana. J'aimais l'action, j'étais à droite. Génération, j'étais à trois. Au collège, j'étais chum, mais déterre comme un schleur. Je volais des PlayStation, je les revendais, je m'achetais des jeux. Y'a quoi dans la tête des jeunes? Je traînais dans tout Berry, je faisais des pics avec du gel. J'avais la coupe de riz. Ma soeur m'a dit arrête de mettre des casquettes, tu vas finir chauve. Mais si je finis chauve, eh ben, je mettrai des casquettes. C'est chaud.